Deuxième heure de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec la Londe des Zones. Et bien sûr, je tiens encore une fois à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de rentrer chez vous, de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chétiquan, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie, en Ontario. Il y a Envol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG, Gravelbourg, Saskatchewan, CILS, Victoria, Colombie-Britannique, CIVR, Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci de diffuser ou rediffuser l'émission. Bonjour à tous les auditeurs de tous ces coins de pays-là. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones, vous m'envoyez ça à canrockcdn@commercial.gmail.com. Allons-y avec la deuxième partie du bloc de l'Est Québec-Ontario avec une autre nouveauté, oui, celle de McLean que j'ai découvert cette semaine. Ça s'appelle Mackay Mackay et très intéressant comme pièce, vous allez voir, c'est du bon McLean. McLean, qui est un artiste de la région de Sudbury. Par la suite, on va entendre un duo. Il y en a une qui vient de La Fontaine, près de Penetang Machine, et l'autre de London, c'est Georgian B. On va entendre la pièce Océan. En ce moment, au même moment où j'enregistre l'émission, ils sont toujours en tournée pour promouvoir leur nouvel album, Courage, volume 1, Soleil. Et on va terminer ce bloc de Québec-Ontario avec tout simplement Sablier avec Marie-Claude qui se promène pas mal ces temps-ci également. Un grand parterre, un frappée, tes idées imposées, vont dans mes voiles, envie de me libérer. Si on s'ennuie au loin, notre fable. Oh oh oh oh oh oh oh. Sablier de Marie-Claude, très bonne chanson, qui s'est retrouvée, elle et sa chanson, dans un petit clip web pour Aero, oui, le bar de chocolat Aero. Il y a une nouvelle gâterie et puis elle a été choisie au détriment de France d'Amour pour participer à ce clip-là. Donc, c'est vraiment génial pour elle. Allez voir ça, je pense que c'est encore sur ma page Facebook de Canrock. On est rendu au bloc instrumental. Bon, on parle de personnes qui voyagent, qui se promènent. Il y en a un qui se promène pas mal ces temps-ci en France. Je suis bien content pour lui. C'est Sean Ferguson, guitariste, virtuose, compositeur. Tout récemment, je pense, là, à l'heure que j'enregistre l'émission, il y a quelques dates, là, le 6 et 7 juin, je pense, du côté de la France également, pour cette petite mini-tournée française. Et ça semble bien aller pour lui. Je regarde les commentaires. Les gens semblent apprécier le spectacle. Donc, bravo à Sean Ferguson, qu'on va entendre avec la pièce « Apesanteur » tirée de son album « Résilience ». Disponible, bien sûr, distribution plage, www.plage.net. Par la suite, on va entendre Éric Saint-Laurent, qui, j'ai vu, a sorti tout récemment, là, cet hiver, un album de standard jazz. Donc, je vais essayer de mettre la main là-dessus, puis peut-être vous faire entendre ça un jour. On va entendre de Planète, on va entendre What Would Steve Gadd Do? Très, très bonne pièce. Et on termine ça avec un peu de jazz fusion signé Louis Trudel. Lui, il faudrait mettre un homme là-dessus à savoir qu'est-ce qui se passe avec Louis Trudel. Est-ce qu'il prépare un nouvel album? Ça serait bien intéressant. De son album Ouverture, on va entendre la pièce D'accord. Très, très bonne pièce. Plus jazz fusion que les deux autres, mais quand même, l'excellente musique s'en vient dans quelques secondes. Juste vous dire qu'on commence ça avec Sean Ferguson, qui est toujours en France. Ça va très bien pour lui. Le voici avec Apesanteur, tiré de son album Résilience. Sean Ferguson. Thank you. Thank you.